Chapitre 9e. Nous avons dit que le meilleur moyen de connaître la femme illustre dont nous venons d'esquisser l'histoire était de consulter et de lire les lettres qu'elle a écrites. Nous croyons ne pouvoir mieux terminer notre récit qu'en reproduisant des extraits de ces lettres, surtout de celles qui révèlent la partie la moins connue, la moins éclatante de sa vie. « Il y a, dit M. Lavallée dans son excellent travail, il y a dans Madame de Maintenon deux existences distinctes, encore bien qu'elles se trouvent nécessairement confondues. D'une part, l'existence publique, la vie de cour et de Versailles, la vie de la compagne de Louis XIV. D'autre part, l'existence intime et cachée, la vie de piété, la vie de bonnes œuvres de Saint-Cyr, la vie de l'institutrice de la maison de Saint-Louis. Saint-Cyr ayant été la grande et unique affaire de Madame de Maintenon, c'est sa véritable vie et celle qui nous l'a fait le mieux connaître. C'est celle qui nous la montre dans son intimité, dans le secret de ses pensées, dans ses occupations journalières, dans ses véritables affections et ses goûts, dans ses faiblesses et ses défauts, ajoutons dans tout l'éclat et la plénitude de ses facultés. Le personnage de Madame de Maintenon, réduit à ses proportions, à cette vie sainte mais monotone, à ses occupations innocentes mais monastiques, est moins curieux, moins dramatique que dans les récits romanesques de Saint-Simon, mais il est plus naturel, plus vrai, et nous verrons qu'il n'est pas moins intéressant. Nous avons dit ailleurs quelle haute pensée avait inspiré la fondation de Saint-Cyr et l'éducation qu'on y donnait. Madame de Maintenon voulait rendre les demoiselles les plus parfaites selon Dieu et selon le monde, en dispersant des filles ainsi élevées dans toute la France, pour y multiplier l'éducation de Saint-Cyr. Elle voulait renouveler dans tout le royaume la perfection du christianisme. Enfin, elle voulait, pour parler le langage de notre époque, arrêter la corruption de son temps en régénérant la société par les femmes et le foyer domestique. Pour atteindre ce but si élevé, il fallait d'abord former les institutrices. « Je demande à Dieu tous les jours, disait-elle aux dames de Saint-Louis, je demande que Saint-Cyr soit détruit, si vous n'êtes des saintes, puisqu'il est comme impossible que vous remplissiez les desseins de votre institution si vous n'êtes pas parfaites. Sanctifiez votre maison, leur disait-elle encore, et par votre maison, tout le royaume. Je donnerai de mon sang pour communiquer l'éducation de Saint-Cyr à toutes les maisons religieuses qui élèvent des filles. » C'était donc à rendre saintes et parfaites les dames de Saint-Louis que tendait Madame de Maintenon. Ce fut le travail qu'elle occupa toute sa vie. Sa mission, car disait-elle, la Providence m'avait donné des grâces spéciales pour cet institut. Sa passion, car disait-elle encore, tout m'est étranger à proportion de Saint-Cyr et mes plus proches parents me sont moins chers que la dernière des bonnes filles de la communauté. Ce fut enfin l'objet principal des lettres nombreuses qu'elle écrivit aux dames de Saint-Louis. Outre ses instructions générales, dit Languet de Guergy, elle ne cessa d'en donner de particulières à celles des religieuses qui s'adressaient à elle pour lui ouvrir leur cœur et la consulter. On a ainsi une multitude de lettres que les dames de Saint-Louis avaient gardées soigneusement pour leur édification et qui sont dignes d'être lues et admirées. Il semble que ce soit Madame de Chantal parlant aux filles de Saint-François de Sales. Elle entrait dans les détails des défauts, des vices, des imperfections de ses filles. Elle les encourageait, elle les reprenait, les consolait selon leurs besoins, leurs dispositions. Son ton était assaisonné de cette douceur modeste, de cette franchise et de ces grâces qui ne la quittaient jamais. Chaque religieuse, chaque novice, chaque demoiselle même, usant et quelquefois abusant de la permission que Madame de Maintenon lui en avait donnée, au moindre scrupule, au moindre embarras, au moindre picotement de sa conscience, lui écrivait, la consultait, et au milieu de tous ces embarras et des fatigues de la cour, de sa vie si agitée, et dont elle nous a tracé elle-même le vivant tableau, au milieu de ses voyages continuels à Versailles, à Marly, à Fontainebleau, elle répondait à toutes, soit par un avis en quelques lignes, soit par de longues instructions, tantôt familières, tantôt solennelles, avec une abondance de cœur et une fécondité d'esprit qui semblent inépuisables, avec une fermeté de pensée, une profondeur et une délicatesse d'idées, un langage si net, si vrai, si pénétrant, qu'elle s'y rébelle comme le plus grand écrivain de la fin du siècle de Louis XIV. Madame de Maintenon apparaît dans ses lettres, où elle se peint elle-même au naturel, et qui certes n'ont pas été écrites en vue de la postérité, comme un personnage très différent de celui que l'imagination et la haine de ses ennemis ont inventé. On les trouve, tout occupé de Dieu et de son œuvre de Saint-Cyr, ne prenant part aux affaires de l'État que pour gémir sur les malheurs de la guerre, montrant même dans ses entretiens avec les dames de Saint-Louis ses faiblesses, ses infirmités, ses défauts. C'est une femme d'un esprit supérieur, mais essentiellement droit, et qui pousse le bon sens, pour ainsi dire, jusqu'au sublime. Elle a une piété profonde, mais en même temps simple, douce, solide, et dirigée de telle sorte qu'elle nous attache au devoir de notre État. Elle est ordinairement grave et sérieuse, mais elle est aussi aimable, enjouée, indulgente. La grâce, disait-elle, n'est pas incompatible avec la dévotion dans les personnes de notre sexe. Enfin, qu'elle écrive, soit à des princes, à des évêques, soit à des enfants, ou aux plus humbles des sœurs converses, elle a toujours, et à un degré éminent, ces qualités communes à la société de cette époque et qui ont fait sa grandeur, la tenue, la mesure, la distinction, la dignité. Prenez tous mes avis d'aussi bon cœur que je vous les donne, écrit-elle à une dame de Saint-Louis, et si je vous fais de la peine, pardonnez-le-moi, en considérant le personnage que je fais chez vous, et que Dieu m'en a chargé. Madame de Maintenon apparaît encore dans ses lettres avec un entourage plein d'innocence et d'agrément, qui change sa physionomie et répand sur sa personne un charme profond. Les dames de Saint-Louis formaient, en effet, une réunion de femmes aussi remarquables par leur vertu que par leur esprit, d'une candeur ravissante, d'une piété angélique, qui, tout en s'efforçant d'atteindre la perfection monastique, n'avaient rien perdu des manières distinguées, du langage poli qu'ils devaient à leur éducation et à leur naissance. Outre les dames de Saint-Louis, il y avait encore autour de Madame de Maintenon des demoiselles qu'elle avait distinguées au milieu des autres, et dont quelques-unes lui tenaient compagnie comme la spirituelle Mademoiselle d'Aumale, ou bien des enfants qu'elle élevait elle-même dans son appartement, comme la charmante Jeannette de Pincré. Je ne crois pas me tromper en disant que tous ces visages si purs, si gracieux, si naïfs, que toute cette vertu, tout cet enjouement, toute cette fraîcheur se reflètent sur le visage de Madame de Maintenon, lui ôtent l'aspect chagrin et sévère que lui donnent la plupart des portraits que nous avons d'elle, et en font ce qu'elle était réellement à Saint-Cyr, une bonne et noble femme, pleine de raison et de grâce, une institutrice parfaite, une vraie mère de famille adorée de ses enfants. Voici quelques-uns de ses excellents conseils aux dames qu'elle avait placées à la tête de la maison de Saint-Cyr. À Madame de Glapion. La douceur que vous mêlez à vos réprimandes ne les affaiblit point, pourvu que vous soyez ferme dans les ordres que vous donnez. La gradation que vous me marquez dans la conduite que vous tenez sur Mademoiselle de N est très bonne. Ce n'est pas la capacité qui vous manque, ma chère fille. Vous avez de l'esprit et tout raisonnable. Vous êtes simple, droite et toute propre à faire une excellente première maîtresse. Mais vous n'aimez pas Dieu de tout votre cœur et de tout votre esprit. Voilà votre mal et voilà sa source. Dieu vous a donné de l'esprit pour que vous le fassiez valoir à sa gloire. Il vous en demandera compte, et si vous ne pouvez lui dire « J'ai employé tout mon esprit à vous attirer des âmes. J'ai rapporté à ce dessein tout ce que vous m'aviez donné d'aimable. » Craignez d'entendre avec confusion qu'il ne vous dise « Vous avez aimé l'esprit pour votre plaisir. Vous l'avez cherché dans le commerce des créatures et dans leurs ouvrages. Vous vous êtes ennuyé de celui dont je vous avais chargé. Vous avez langui avec tout ce qui n'excitait pas, avec tout ce qui ne contentait pas ce désir insatiable d'avoir et de trouver de l'esprit. Dieu vous avait donné un cœur tendre, généreux, reconnaissant, et au lieu de pouvoir lui dire avec confiance « J'ai inspiré le bien que vous avez mis en moi », vous entendrez qu'il vous dira « Je vous avais donné un cœur propre à aimer, et vous avez aimé les créatures, et vous avez cherché à les aimer, vous avez passé vos jours à vous attrister pour elles, vous avez versé plus de larmes pour leur perte que pour vos péchés. Vous vous êtes rendu incapable de travailler pour moi parce que vous vous êtes consumé pour elles. Vous avez manqué au premier commandement et à vos vœux. Vous avez langui dans ma maison, vous qui deviez, par tout ce que j'ai mis en vous, être l'exemple de la ferveur. Vous avez fait gémir vos supérieurs, vous qui deviez être leur consolation. Voilà, ma chère fille, ce que je ne puis m'empêcher de vous dire. Je sais que je vous demande beaucoup, mais c'est à une religieuse que je parle, et à une religieuse capable de comprendre l'étendue de ses obligations. » À la même. « Que vous ferait la lecture des histoires? Que de vous dégoûter des lectures pieuses? de vous remplir l'esprit d'idées dangereuses par les différentes matières qui y sont traitées, de faire chanceler votre foi par la manière dont les historiens traitent souvent la religion, de vous mettre une confusion dans l'esprit qui suit la lecture des personnes de notre sexe, parce qu'elles ne savent rien à fond, et de vous rendre plus vaine par ce petit avantage que vous croiriez avoir sur les autres. Vous faites votre peine de ce qui doit être le fondement de votre bonheur, qui est l'ignorance du monde et la simplicité de vos lectures. Lisez, je vous prie, les confessions de saint Augustin, et voyez comme il parle de ce que les livres profanes faisaient en lui. Vous craignez l'ennui pour la suite de votre vie, mais vous espérez que le goût que vous avez pour le travail vous en garantira. Il faut un plus grand remède à un si grand mal. C'est la piété seule qui peut vous soutenir contre l'ennui. C'est le zèle du salut des âmes qui doit vous faire aimer le travail. C'est là le travail qui vous consolera et non pas celui de vos mains. C'est un grand bonheur que l'ouverture du cœur que vous avez pour vos supérieurs. Conservez cette disposition. Ce sera un des plus puissants moyens pour vous rendre à Dieu tout entière. Mais il faut mettre de ce nombre vos confesseurs. Vous ne profiterez jamais si vous n'en avez un qui vous conduise et pour qui vous soyez comme un enfant. Je crois vous avoir déjà écrit là-dessus. Pourquoi entreprenez-vous des austérités corporelles qui ne sont point de votre règle? Vous feriez mieux de surmonter la répugnance que vous avez pour l'oraison que celle que vous avez pour la discipline. Faites tous vos efforts pour vous préparer au sacrement. Ce sont des canaux par lesquels nous recevons la grâce. Il est impossible que vous ne vous perdiez pas si vous abandonnez ce qui peut vous sauver. Cet état de froideur dans une religieuse ferait tout craindre pour les suites. Ne jugez point de votre amour pour Dieu par ce que vous sentez, mais par ce que vous faites. Vous êtes très propre aux classes, vous avez beaucoup de raisons, vous êtes douce, quoi que vous puissiez dire, et si vous étiez animé d'un plus grand zèle, vous y feriez des merveilles. C'est votre jeunesse qui vous rend impatiente sur les défauts de vos filles. Chaque année augmentera votre patience, et pour vous que vous travailliez, Dieu sera content de vous. J'ai oublié de répondre à l'article où vous dites que vous êtes grande parleuse. Je ne m'en suis jamais aperçu. Vous vous plaignez d'être occupé de vous-même. Vous le serez encore quand vous aurez employé bien des années à mortifier votre corps et votre amour-propre. Comment ne le seriez-vous pas, n'ayant encore fait que le nourrir et le laisser en repos? À la même. Il ne vous est pas mauvais de vous trouver dans le trouble et dans l'inquiétude des petits esprits embrouillés. Vous en serez plus humble et vous sentirez par votre expérience que nous ne trouvons nulle ressource en nous, quelque esprit que nous ayons. Vous ne serez jamais contente, ma chère fille, que lorsque vous aimerez Dieu de tout votre cœur. Je ne vous dis pas ceci par rapport à la profession où vous êtes engagée. Salomon nous a dit il y a longtemps qu'après avoir cherché, trouvé et goûté de tous les plaisirs, il confessait que tout n'est que vanité et affliction d'esprit. Or, aimez Dieu et le servir. Que ne puis-je vous donner mon expérience? Que ne puis-je vous faire voir l'ennui qui dévore les grands et la peine qu'ils ont à remplir leur journée? Ne voyez-vous pas que je meurs de tristesse dans une fortune qu'on aurait peine à imaginer, et qu'il n'y a que le secours de Dieu qui m'empêche d'y succomber? J'étais jeune et jolie, j'ai goûté des plaisirs, j'ai été aimée partout. Dans un âge un peu plus avancé, j'ai passé des années dans le commerce de l'esprit. Je suis venu à la faveur, et je vous proteste, ma chère fille, que tous ces états laissent un vide affreux, une inquiétude, une lassitude, une envie de connaître autre chose, parce qu'en tout cela, rien ne satisfait entièrement. On n'est en repos que lorsqu'on s'est donné à Dieu, mais avec cette volonté déterminée dont je vous parle quelquefois. Alors, on sent qu'il n'y a plus rien à chercher, qu'on est arrivé à ce qui seul est bon sur la terre. On a des chagrins, mais on a une solide consolation et une paix au fond du cœur au milieu des plus grandes peines. Mais, vous me direz, se peut-on faire dévote quand on veut? Oui, ma chère fille, on le peut. Et il ne nous est pas permis de croire que Dieu nous manque. Cherchez et vous trouverez. Heurtez à la porte et l'on vous ouvrira. Ce sont ses paroles. Mais il faut chercher avec humilité et simplicité. Saint Paul pouvait bien en savoir plus qu'Ananias. Il va pourtant le trouver et apprendre de lui ce qu'il faut qu'il fasse. Vous ne le saurez jamais par vous-même, il faut vous humilier. Vous avez un reste d'orgueil que vous déguisez à vous-même sous le goût de l'esprit. Vous n'en devez plus avoir, mais vous devez encore moins chercher à le satisfaire avec un confesseur. Le plus simple est le meilleur pour vous, et vous devez vous y soumettre en enfant. Comment surmonterez-vous les croix que Dieu vous enverra dans le cours de votre vie si un accent normand ou picard vous arrête, et si vous vous dégoûtez d'un homme qui n'est pas si sublime que Racine? Il vous aurait édifié, le pauvre homme, si vous aviez vu son humilité dans sa maladie et son repentir sur cette recherche de l'esprit. Il ne chercha point dans ce temps-là un directeur à la mode, il ne vit qu'un bon prêtre de sa paroisse. J'ai vu mourir un autre bel esprit, qui avait fait les plus beaux ouvrages que l'on puisse faire, et qui n'avait pas voulu les faire imprimer, ne voulant pas être sur le pied d'auteur. Il brûla tout, et il n'est resté que quelques fragments dans ma mémoire. Ne nous occupons point de ce qu'il faudra, tôt ou tard, abjurer. Vous n'avez encore guère vécu, et vous avez pourtant à renoncer à la tendresse de votre cœur et à la délicatesse de votre esprit. Allez à Dieu, ma chère fille, et tout vous sera donné. Adressez-vous à moi autant que vous voudrez. Je voudrais bien vous mener à Dieu. Je contribuerai à sa gloire. Je ferai le bonheur d'une personne que j'ai toujours aimée particulièrement. Et je rendrai un grand service à un institut qui ne m'est pas indifférent. À Madame de Vancy. Je ne suis pas plus convaincu de l'insuffisance et de l'inutilité de la raison que je le suis de la nécessité de l'humilité. Mais en vérité, madame, ce n'est pas à moi à en faire des leçons, et j'en recevrai de vous plus volontiers. Ce ne sont pas les lumières qui vous manquent, vous en avez surtout. Mais votre esprit fait trop de chemin, et je crois qu'il faudrait y renoncer, et vous tenir en paix dans l'état où il plaît à Dieu de vous mettre. Il n'y en a pas de plus propre à vous sanctifier. Vous avez des talents, il les rend inutiles, et vous met dans un lit pour pratiquer la patience, l'humilité, la douceur, et non pas pour instruire et pour servir la communauté, comme il paraissait que vous auriez pu faire. C'est ainsi qu'il confond nos projets, et que nous ne serons jamais en sûreté que par cet abandon à sa volonté. Mais aussi, ma chère fille, combien lui seriez-vous agréable si vous étiez en paix dans ce lit, toute résignée à ce qu'il lui plaira faire de vous, soumise aux remèdes, sans y mettre votre confiance, indifférente à la nourriture, bien persuadée qu'il y mettra sa bénédiction, docile pour ce qu'on exige de vous, facile à servir, content que vous ne méritez pas de l'être, et par là, dans un continuel exercice des vertus les plus solides, pour qu'elles soient moins éclatantes. Dieu veuille vous inspirer ces pratiques, et vous consoler quand vous y aurez manqué. La maladie affaiblit l'esprit, et il ne faut pas vous affliger de vos fautes. Monsieur l'abbé de Fénelon vous disait l'autre jour qu'il ne faut pas s'arrêter à ses chutes, mais nous relever et reprendre notre course. Cette figure nous fait comprendre bien nettement le temps qu'on perd à considérer sa chute et qu'il vaut mieux avancer. Je vous verrai le plus tôt que je pourrai et je m'estimerai trop heureuse de vous être utile. À Madame de Roquemont. L'esprit des subalternes doit être le même que celui de celles qui sont les premières en charge. Tout roule en tout sur la bonne foi. On dit dans la maison que je ne cesse de prêcher. Mais que pourrais-je prêcher de meilleur que cette bonne foi, sans laquelle tout ce que nous faisons n'est que grimace? Il faut donc, madame, faire dans votre place le bien que vous pourrez faire. Il faut, quand il doit avoir quelque suite, le concerter avec ma sœur de... Car, de préférence en tout, il faut vivre en paix, et il vaudrait mieux manquer un bien que de faire un mal. Elle me paraît douce, et je crois qu'elle recevra bien ce que vous lui proposerez. Si elle ne le reçoit pas, et que ce soit peu de chose, vous demeurerez en paix. Si c'est quelque chose d'utile et de considérable, et qu'elle le refuse, vous m'en avertirez. Vous êtes toutes si jeunes, qu'il faut vous former tout à la fois, et vous devez entrer dans cet esprit-là. Vous n'en serez pas quitte devant Dieu pour dire « Celle qui préside ne veut pas ce bien-là, donc je n'ai qu'à me tenir en repos. » Ce raisonnement sera bon dans 20 ans. Qu'il y aura des filles expérimentées avec lesquelles les subalternes n'auront qu'à obéir. Mais présentement, que vous n'en savez guère plus les unes que les autres, vous devez, pour établir le bien, prendre tous les chemins qui vous sont ouverts et vous adresser à ceux qui vous gouvernent. Vous savez combien je suis à votre service et avec quelle joie j'entrerai dans tout ce qui peut être bon à votre maison. Ne balancez donc plus entre la négligence et l'empressement. Regardez-vous comme étant aussi chargé du bien de votre établissement que l'est Madame la Supérieure, non pas pour vous en mêler hautement, pour en dire votre avis, pour blâmer ce qui se fait, pour déplorer ce qui ne se fait pas, pour parler de tout, mais pour proposer au supérieur en qui vous avez confiance tout ce qui vous passe par l'esprit de bon pour le règlement de votre charge. Soyez subalterne par votre déférence pour Madame de... par votre humilité, par l'amour de la paix. Souffrez plutôt que de la troubler, mais soyez hardi avec ceux qui ont l'autorité et la volonté de profiter de ce que vous aurez pensé. Comment pouvez-vous demeurer en repos sur ce qui irait mal parce que ce n'était pas à vous à en répondre? Où serait votre affection, votre zèle et cette bonne foi qui fait qu'on s'intéresse au bien sans rapport à soi-même? Ayez un zèle sincère, un zèle bien réglé qui n'adresse jamais de plainte et ses avis qu'à ceux qui peuvent y donner ordre. Voilà, ma chère fille, les moyens de vous acquitter de vos obligations qui sont grandes, d'être agréable à Dieu, utile à votre maison et de me faire un grand plaisir. Le silence est une excellente pratique. Ne craignez point l'enrouement. Nous n'avons point vu de fille perdre la parole pour avoir été en silence. À Madame de Veillant. Quand vous avez été en état de mourir, je vous ai laissé en paix, content que vous feriez tout ce qui était possible, acceptant de bon cœur les grandes douleurs qu'il a plu à Dieu de vous faire souffrir. Mais à présent qu'il est question de vivre, trouvez bon que je prenne le même soin que j'avais de vous quand vous êtes tombé malade. Qu'est-ce que j'apprends? On dit que vous êtes aussi farouche qu'à l'ordinaire, que tout vous importune, que les visites de nos sœurs vous sont insupportables, et que vous ne respirez qu'après la solitude. À quoi vous sert votre esprit? À quoi vous servent vos continuelles lectures? Ne vous en faites-vous jamais une application? Quand saint Paul dit qu'il ne sert de rien de livrer son corps aux flammes si on a la charité, ne rentrez-vous point en vous-même pour dire « Il ne servira de rien d'avoir souffert le ciseau et le feu si je n'aime mon prochain, si je ne suis douce, si je ne préviens pas toutes sortes d'honnêtetés. » Quelle illusion est la vôtre? Vous prenez un état où il faut être livré aux autres et vous voulez être seul. Dieu vous avait mise dans la solitude par la maladie. Il fallait, pendant ce temps-là, faire une provision de patience, de douceur, de support du prochain. Quelle idée avez-vous de la vertu, de la faire consister dans la rudesse et dans l'éloignement de ceux à qui Dieu vous a unis pour toujours? Faites vos réflexions devant lui, je vous en conjure, et prenez des résolutions, moyennant sa grâce, de vous conduire selon les vœux que vous avez faits. Vous feriez beaucoup de bien si vous étiez docile. Vous avez un mépris pour votre corps, une opposition à la délicatesse et un courage pour prendre sur vous qui ferait des merveilles, si vous ne vous jetiez pas dans les extrémités qui font des défauts de toutes ces bonnes qualités. Nous sommes bien misérables de garder tout ce que nous avons reçu de bon. J'espère que vous soumettrez votre jugement et votre conduite à une demoiselle élevée à Saint-Cyr. Vous me demandez, ma chère fille, de vous donner des avis pour votre conduite. Vous n'en avez pas besoin, et je ne suis pas capable d'en donner. Vous sortez d'une maison dans laquelle on vous a instruite de tous les devoirs du christianisme, et vous allez dans une autre où vous verrez pratiquer tout ce que vous avez appris. J'aime pourtant mieux vous dire quelque chose d'inutile que de vous refuser. Je vous exhorte donc, ma chère enfant, à croître tous les jours dans la piété solide, droite et simple que vous avez embrassée. Il me semble que la piété solide consiste à ne compter que Dieu et à compter tout le reste pour rien, à ne vouloir que sa sainte volonté, à le voir en tout, à mettre en lui toute sa confiance, à ne s'appuyer sur aucun homme, quelque saint qu'il soit, à les regarder comme des instruments dont il se sert comme il lui plaît et qui ne peuvent rien par eux-mêmes, à ne s'attacher jamais à eux et à être bien persuadé que Dieu nous donnera toujours ce qui nous sera nécessaire. Je crois que la droiture de la piété est de s'attacher à son devoir et de regarder comme des tentations tout ce qui nous en éloignerait sous quelques apparences spécieuses d'une plus grande perfection. La perfection que Dieu demande de nous est de demeurer dans l'état où il nous met, de nous y sanctifier sans inquiétude et sans trop d'empressement. Tout est réglé pour une religieuse, et tout consiste pour elle dans l'accomplissement de ses vœux. Vous n'aurez qu'à suivre ce que vous verrez. Allez avec simplicité, ne désirez rien d'extraordinaire, Ouvrez votre cœur à votre supérieur, tâchez d'en faire votre directeur. Accommodez-vous des confessions ordinaires, et si quelqu'un vous faisait de la peine, dites-le avec confiance à celle qui vous conduit, et demeurez en paix. Soit qu'on vous donne du secours ou qu'on vous le refuse, rien ne vous manquera. Ne passez pas un jour, je vous en conjure, sans prier pour le roi. Vous y êtes obligé comme sa sujette et par obligation particulière. Il vous a procuré une bonne éducation. Il vous met dans une des plus saintes maisons de son royaume. Priez pour Saint-Cyr. Vous en connaissez les besoins. Ne cessez pas de demander à Dieu de bénir cette œuvre pour sa gloire. Priez pour moi. Demandez mon salut et les grâces qui me sont nécessaires pour m'acquitter des choses dont il m'a chargé. Conduisez-vous de manière à faire désirer les demoiselles de Saint-Cyr. Je voudrais bien en mettre quelqu'une avec vous aux mêmes conditions qu'on les prend dans les autres maisons. Mandez-moi de vos nouvelles autant qu'on voudra vous le permettre. Je prends un intérêt tout particulier pour vous et je serai ravi de savoir comment vous trouverez et comment on se trouvera de vous. Mandez-moi simplement ceux qui vous regardent, sans façon et cérémonie avec moi. Je n'en veux point, et vous savez que je vous aime comme mes enfants. P.S. Priez Dieu pour vos compagnes. Qu'il plaise à Dieu de les bénir partout où elles vont, et qu'elles puissent s'édifier partout où la divine providence les conduit. À Madame de Montfort. Voici encore un écrit, ma très chère, que je vous prie de lire et relire avec attention, et pour cela, de le garder autant que vous voudrez. Je suis ravi de voir que vous n'avez pas de loisirs. C'est ce que je vous ai toujours souhaité, et c'est une marque de votre bonne foi dans votre charge. Madame de Loubert me dit hier que la vôtre était la plus pénible. Faites-vous soulager par les maîtresses, et par les plus grandes de la classe, afin de les former davantage. Du reste, mettez-vous-y bien de tout votre cœur. Oh, qu'il vous est bon d'entrer dans tous ces petits détails, qui sont plus grands, quand on les a conduits par l'ordre et pour l'amour de Dieu, que le gouvernement d'un royaume. Soyez bien gais à la récréation. Vous ne sauriez croire combien on est édifié de votre changement. Commencez des jeux avec vos jeunes demoiselles, par complaisance. Dieu vous y fera trouver du plaisir. Votre cœur deviendra innocent comme celui d'un enfant. N'appréhendez pas cet état, puisque notre Seigneur nous le marque pour entrer dans son royaume. Je le remercie souvent de ce qu'il a fait en vous. Il achève ce qu'il a commencé, et je ne doute pas que je ne vois cet ouvrage bien avancé. Ne vous gênez point, madame, je vous en conjure. Demandez de la consolation dès que vous en avez besoin. Mettez par là votre âme en paix et en liberté, afin que vous puissiez dire avec David ces paroles que vous savez qui m'ont touché en pareille occasion. Seigneur, j'ai couru dans la voie de vos commandements quand vous avez dilaté mon cœur. Dieu permet que vous l'ayez serré par des scrupules pour que vous ayez besoin de secours et d'humiliation en le demandant pour des choses qui n'en paraissaient pas valoir la peine. C'est à ce qui vous paraîtra petit que votre perfection est attachée, et ce sera par les petits moyens que vous arriverez à votre grande fin. Je ne puis vous exprimer la joie que j'ai de votre état et la tendresse de mon cœur pour vous. À Madame de Veilan. Si on pouvait en conscience souhaiter une religieuse hors de son couvent, je voudrais vous voir pour quelque temps dans les places de guerre par où nous passons présentement. Et si on pouvait se changer, je prendrais pour ce temps-là cette humeur martiale qui vous fait aimer la poudre et le canon. Vous seriez ravie, madame, de ne sentir que le tabac, de n'entendre que le tambour, de ne manger que du fromage, de ne voir que des bastions, demi-lunes, contre-escarpes, et de ne toucher rien dont la grossièreté ne soit fort opposée à cette sensualité au-dessus de laquelle vous êtes élevé par votre courage et par vos inclinations. Pour moi, qui suis très femmelette, je vous donnerai volontiers ma place pour travailler en tapisserie avec nos chères dames. J'espère que j'aurai cette joie bientôt, et que Namur aime mieux se rendre que de se faire entièrement ruiner. Vous ne pensez qu'à la guerre. Vous ne me dites pas un mot ni de la retraite, ni de votre santé. Je suis trop bonne, après cela, de vous dire que le roi est en parfaite santé, quoiqu'avec un peu de goutte, et que de son lit, où il est retenu depuis 2 jours, il donne ses ordres pour le siège de Namur, pour que son autre armée s'oppose au prince d'Orange, pour que le maréchal de Lorge entre en Allemagne, que M. de Catinat repousse M. de Savoie. que M. de Noailles empêche les Espagnols de rien faire, que M. de Tourville batte la flotte des ennemis s'il a le vent favorable, et outre ces ordres-là, qu'il gouverne tout le dedans de son royaume. Je vous quitte après cette peinture qui doit remplir votre idée. » À la mer, Marie-Constance. Nous avons eu autant de peine à nous éloigner de Namur que nous en avions eu à nous en approcher. Nous fûmes hier 11h30 en carrosse tout de suite, et comme nous n'avions pas compté là-dessus, nous n'avions point mangé ni porté de quoi manger. C'était jour maigre. J'arrivais accablé de migraines, de rhumatisme, de lassitude et d'épuisement, et je trouvais un potage à l'huile pour tout régal. Un autre mal qu'on nomme moins hardiment s'est joint aux autres. Il n'y a qu'une lettre aussi vive et aussi réjouissante que la vôtre, datée du 9 de ce mois, qui peut me donner la force d'écrire. Je m'en vais donc vous écrire. Vous n'aurez, ma chère sœur, que la moitié de ce que vous me demandez. J'écrirai à ma sœur Marie-Constance, à elle-même, pour elle-même, et je n'écrirai point pour Saint-Cyr. Je n'en ai pas le loisir ni la force. Le témoignage que vous me rendez de ce qui s'y passe m'en donnerait le courage. Dieu veuille que ce que vous semez fructifie au centuple. C'est trop de dire que nos dames vous donnent de bons exemples. Je serais bien contente s'ils suivaient les vôtres, et si vous gardiez avec moi la même liberté qu'elles en me donnant vos commissions. Monsieur Duchesne recevra votre lettre que j'aurais voulu voir pour savoir l'état de la santé de notre chère mère. Mais je vous avoue que je désirais fort qu'elle prît confiance en Monsieur Fagon, qui est le premier médecin que nous ayons. Duchesne a suivi Monseigneur en Allemagne. Il ne reviendra de longtemps. Je voudrais que pendant son absence, vous vissiez Monsieur Fagon, qui pourrait à l'avenir donner ses conseils par lettre. Je suis ravi que notre mère soit mieux. Elle ne manquera plus d'eau de Sainte-Reine, ni de tout ce qui sera en mon pouvoir. Madame de Radouet m'écrit que Madame du Pérou fait des merveilles à la dépense pour réparer les désastres qu'elle y avait faits. Dites-lui, je vous en conjure, que je souhaite de tout mon cœur qu'elle le croie ainsi. Ce serait une excellente disposition pour elle. Je ne lui réponds point, je ne le puis, et je l'entretiendrai bientôt. Je serais encore plus fâché que notre mère si vous finissiez une lettre sans me parler d'elle. Je ne puis vous exprimer l'estime et l'amitié que j'ai pour elle. Elle me sera toujours chère. J'espère faire d'aujourd'hui en 15 jours la récréation à vos côtés et entourée de mes chères filles. Je ne sais pourquoi je les désire si parfaites, car si je les aime avec tant de tendresse, malgré leurs défauts, que serait-ce si elles étaient comme je les désire? Elles m'attachent trop au monde, ou pour mieux dire, à la douceur de vivre avec des anges. Le roi est en parfaite santé, et n'a pas pris peu sur lui en sacrifiant les desseins qu'il avait eus au bien de ses affaires, qui s'est trouvé à envoyer en Allemagne pour profiter de l'heureux succès de la prise de Heidelberg. Pour moi, je suis ravi que l'intérêt de l'État le force à retourner à Versailles. Il se porte très bien et se moque de ce que nous appelons fatigue. Adieu, ma chère mère. Je pourrais bien ne plus vous écrire et songer à me ménager pour arriver en meilleure santé que je ne suis présentement. À Madame de Saint-Aubin. Quand vous auriez eu le temps de m'écrire et que vous ne l'auriez pas fait, je le trouverais parfaitement bon, car je ne veux jamais vous contraindre pour ce qui me regarde. Je sais vos embarras et avec quel courage vous travaillez. Le maître que vous en servez le mérite bien. Cependant, n'en faites pas trop, je vous en conjure. Vous êtes, grâce à Dieu, de celles qu'il faut retenir. Je suis ravi de vous savoir en paix. C'est le moyen d'avancer. Vous l'avez trouvée, dites-vous, en vous soumettant. Elle augmentera à proportion que l'humilité l'établira en vous. Je ne prends pas pour un compliment ce que vous me dites de la peine que vous avez de celle que votre maison me donne. Vous n'en avez que trop, et ce ménagement que votre amitié vous donne pour moi est très sensible chez vous. C'est ce qui fait qu'on me cache tout, et qu'on est bien plus occupé de me rapaiser quand on me croit fâché qu'on ne l'est de se corriger. Trouvez bon que je vous dise que je dois tout savoir, et que vous êtes bien jeune pour juger si les choses en valent la peine, si je pourrais y remédier, ou si elles sont de conséquence pour l'avenir. J'ai plus d'expérience que vous, et d'aussi bonnes intentions. Cependant, je ne vois que des fautes dans tout ce que j'ai fait jusqu'à cette heure chez vous, et je serais incapable d'y remédier par moi-même. Mais j'espère que Dieu m'assistera et me donnera de bons conseils. Je vous conjure de me mander librement ce que vous savez sur la désunion que vous craignez. il n'y a rien de plus important, et voici le temps où il est le plus nécessaire que je sois bien instruite. Il est question d'établir votre maison, et je ne crains point de vous dire, car vous êtes assez forte pour le porter, que tout ce que nous avons fait jusqu'à cette heure n'est rien. Il faut reprendre votre établissement par le fondement et l'établir sur l'humilité et la simplicité. Il faut renoncer à cet air de grandeur, de hauteur, de fierté, de suffisance. Il faut renoncer à ce goût de l'esprit, à cette délicatesse, à cette liberté de parler, à ces murmures et ces manières de raillerie toutes mondaines. Et enfin, à la plupart des choses que nous faisions, et auxquelles j'ai plus de part que personne. Vous avez raison de dire que j'ai besoin de patience, et vous ne savez que trop que je n'en ai point. Demandez-la à Dieu pour moi, je vous en conjure. Il est bon et juste que je souffre, et quel mérite aurais-je à Saint-Cyr si je n'y trouvais que des consolations? Oui, ma chère fille, il faut prendre tout ce qui vient de la part de Dieu. Vous me faites plaisir de me le dire, et je ne mettrai point cela au rang des fautes. Je ne ferai rien paraître de ce que vous faites d'entrevoir sur la désunion. Expliquez-vous en toute liberté. J'espère que je ne gâterai rien. Il ne faudra pas se presser d'en parler. Vous avez raison de dire qu'il faut du temps pour détruire l'orgueil. Il suffit que nous y travaillions simultanément et nous devons avoir une grande patience. Parlez peu aux demoiselles. Ne les regardez guère, ne les louez point. Accoutumez-les au travail et au silence. Je répète toujours cet article. Il est vrai que je crois qu'il n'y a rien de plus pressé présentement à Saint-Cyr que la pratique du silence. À Mademoiselle de Glapion, novice. L'orgueil est le plus grand péché de l'homme, et celui qui lui attire tous ses maux. Les femmes en sont encore plus susceptibles, parce qu'elles sont plus faibles. Les jeunes personnes, par cette raison, sont la vanité même, et les demoiselles de Saint-Cyr, entre toutes les jeunes personnes, ont été distinguées sur toutes les autres. Vous avez réussi à tout ce qu'on a voulu. Vous avez été accoutumé aux acclamations, vous avez plu au monde, vous avez toujours aimé qu'il fût question de vous. Voyez, ma chère fille, d'où vous avez à revenir et le chemin qu'il faut faire. Cependant, j'espère tout, puisque Dieu vous a donné une bonne volonté et qu'il vous donnera de même toutes les grâces qui vous seront nécessaires pour un ouvrage qui ne finira qu'avec votre vie. Plus vous sentez de peine dans les humiliations, plus vous devez voir combien elles vous seront utiles. Ne cessez donc point de vous humilier intérieurement et extérieurement. Votre découragement vient d'orgueil. Vous vous voyez défectueuse, les autres vous voient de même. Il n'y a rien dans cela qui soutienne l'amour-propre. Et c'est ce qui nous abat. On ne fait point son salut sans se faire violence. On ne devient point bonne religieuse sans un exercice continuel de mortification, de renoncement à soi-même et d'une obéissance sincère. Je crains toujours que vous ne connaissiez point assez les obligations de la profession que vous voulez embrasser et que vous n'espériez une vie très douce après quelques années de contrainte au noviciat. Ce projet ne serait ni pieux ni raisonnable. Si vous aspirez à la perfection et à un état parfait, il faut mourir à soi-même et à tout ce que vous avez aimé. Il faut devenir une nouvelle créature et ne rien garder de tout ce que vous avez eu jusqu'à cette heure, et au-dedans et au-dehors. Il faut perdre cette bonne opinion de vous-même, mal fondée. Il faut renoncer au plaisir d'aimer et d'être aimé. Il faut vouloir cacher tout ce que vous avez de talent, jusqu'à ce que l'obéissance vous oblige de vous en servir. Il faut vous taire, il faut estimer les autres. Il en faut être occupé aux récréations. Il faut dire ce qui peut édifier vos sœurs, et ce qui peut les divertir innocemment. Il faut vous oublier, ne point parler de vous, ni par rapport à vous. Il faut devenir simple, sans retour sur soi, sans question, sans curiosité, sans raisonnement, sans éloquence. Il faut éviter toutes les manières du monde, et le meilleur moyen est de parler peu et de renoncer sincèrement au désir qu'on vous trouve de l'esprit. Enfin, il faut mener une vie cachée, humble, mortifiée, laborieuse, retenant vos pensées, vous occupant de Dieu, travaillant beaucoup, obéissant sans réplique et sans juger de ce qu'on vous commande. Ne croyez point que cette peinture d'une parfaite religieuse soit poussée trop loin. Vous ne le serez jamais à de moindres conditions. Encore une fois, ne vous y trompez pas. Voyez devant Dieu si vous êtes résolu à changer de fond en comble. Du reste, ne vous effrayez point de vos défauts. Ils tomberont peu à peu si vous le désirez sincèrement. Et si vous êtes prête à prendre tous les moyens que vos supérieurs vous présenteront. Mais venez à la pratique qui est au-dessus de tout désir d'être parfaite, de tout empressement de s'instruire, de toute question sur vos devoirs. Pratiquez ce que vous savez, et la lumière vous sera donnée pour tout ce que vous ne savez pas encore. C'est encore l'amour-propre qui nous abat si fort dans les sécheresses. Vous voulez des plaisirs, et Dieu ne veut pas que vous en ayez. Continuez avec courage tous vos exercices, de quelque manière que vous les fassiez, pourvu que la volonté ne consente à nulle distraction. N'espérez point de consolation sensible, il vous en viendra quand il plaira à Dieu. À Madame de Beaulieu. Il faut bien qu'une première maîtresse figure à la récréation et que ce soit elle qui apprenne de mes nouvelles aux autres. Mais je ne puis rien dire de gai. J'ai le cœur serré de la douleur de notre princesse depuis que Monsieur de Savoie a déclaré la guerre au roi. Oh, mes chères filles, que vous êtes heureuses d'avoir quitté le monde. Il promet la joie et n'en donne point. Le roi d'Angleterre jouait hier dans ma chambre avec Madame la Duchesse de Bourgogne et ses dames à toutes sortes de jeux. Notre roi et la reine d'Angleterre les regardaient. Ce n'était que danse, rise et emportement de plaisir, et presque tous se contraignaient et avaient le poignard dans le cœur. Le monde est certainement un trompeur. Vous ne pouvez avoir trop de reconnaissance pour Dieu de vous en avoir tiré. Ces extraits des lettres intimes de Madame de Maintenon suffisent pour faire connaître et apprécier la noblesse de ses sentiments, son esprit judicieux et élevé. En les lisant, on ne peut s'empêcher, suivant la remarque de M. Lavallée, de convenir que malgré tout ce que la malignité des hommes a pu inventer contre cette femme éminente, elle a été au milieu de la cour un modèle admirable des vertus chrétiennes, et qu'elle a enseigné par son exemple à mépriser le monde et à s'en détacher au milieu de tout ce qu'il contient de plus éclatant et de plus séducteur. Ainsi s'achève Madame de Maintenon de Juste Jean-Étienne Roy.